Ouais, c'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Harley. Il est mis dans une jungle tropicale que j'ai cherché sur des cartes et que j'ai pas trouvé. Dans cette jungle vivent des pogoutés, des tas de bestioles qui sont mangeables mais qui font pas vraiment envie de bouffer. Il y a aussi des humains qui vivent, et Harley vit avec sa mère qui est une alcoolique finie. Et un jour, cette maman beurrée comme un petit mur amène une étrange fille avec des cheveux roses qui avale tout ce qu'elle voit sur son passage. Oui, toi, moi, lui, et l'autre aussi, et lui aussi, et lui aussi. La jungle était ensoleillé bien avant que Gou est arrivé. Elle est arrivée, elle est arrivée, sans trop se presser, sans trop se presser. Elle l'a avalé, elle l'a avalé. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle s'appelle Gou. Oui, elle sont ses Gou. Dans son estomac, il y a trois humains qui vivent. Un chat avec des pleins de pattes, une montagne, un poussin et d'autres bestioles. Oui, c'est Gou. Son estomac, il y a trois humains qui y vivent. Un chat avec des pleins de pattes, une montagne, un poussin et d'autres bestioles. Oui, c'est Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou. Dans cette île bizarre, il y a aussi une école avec un prof qui dort tout le temps, un docteur pervers qui est le père de Harry, le chef du village a plein de poils sur le bide, la grand-mère elle fait peur et la famille de Wendal a laissé tomber jusqu'au jour où ils reviennent. Enfin bon, je vous laisse découvrir par vous-même dans cette nouvelle édition, sinon je vais tout gâcher. Jangarua, itumo, Harry, no chiku. Elle est arrivée, elle est arrivée, sans trop se presser, sans trop se presser. Elle l'a avalé, elle l'a avalé. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Oui, elle sait Gou, Gou, Gou. Bon, bon, bon, vous avez du topo, quoi. Elle s'appelle Gou, quoi, merde. On va finir, là, parce que là, bon, c'est... Elle s'appelle Gou. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.